cette histoire d'un enfant qui grandit sans son père. C'est mon histoire, aussi celle de mes frères qui me sont inconnus. Tu sais, aujourd'hui, à mon tour, je suis père. Mes enfants deviennent donc la chair de ta chair, le sais-tu? Mais ce ne sont que des mots. Les entendras-tu et les comprendras-tu? Je viens te faire part de mes mots, même s'ils sont perdus, même si tu es déçu. Je t'écris ces mots, c'est mieux que de se taire. Mieux que de laisser un enfant sans repère, ça c'est sûr. Connais-tu mes premiers mots, est-ce que j'ai pu faire? J'espère que ces mots t'iront droit dans le cœur, car tu es grand-père. Mais ce ne sont que des mots. Les entendras-tu et les comprendras-tu? Je viens te faire part de mes mots, même s'ils sont perdus, même si tu es déçu. Pourquoi aucun mot ne sort de ta bouche? Je ne sais même pas si tout ça te touche vraiment. L'ironie du sort est que je ne t'en veux pas. Non, non, non, non. Au moins je sais ce que je ne veux pas pour mes enfants. Yeah, yeah, yeah.